Glasgow, mardi 24 mars 2004. J'ai rêvé très vaguement qu'on allait partir en voyage. Mais c'est un voyage qui était inscrit dans des codes particuliers. Je devais partir avec des gens que je ne connaissais pas. Mais il fallait que ce soit comme ça. Il fallait que je parte avec un fou. Au début, j'avais appréhension, un peu peur. Mais le fou était très gentil. Au début, on me disait qu'il était déformé, mais qu'il ne fallait pas avoir peur parce qu'il était inoffensif. Quand je le vois, c'est drôle, parce qu'il n'était pas du tout déformé, mais il était tout jaune, tout entier jaune, avec des cheveux hérissés, comme un légume imaginaire ou comme un dessin animé. Lui, c'était un des personnages, et en fait, c'était comme un voyage spirituel où chaque personnage était comme une icône d'une dimension perdue. Je me souviens que je portais un anorak qui était brodé avec des images typiques des indigènes mexicains, les huicholes. Et il y a quelqu'un qui remarque cela. Il y a une fille qui dessine. Je la regarde de loin et je m'aperçois que ses dessins sont très beaux. Et je m'approche pour les voir. Il y a tout. Des beaux dessins et des moins beaux. Je me souviens d'un dessin en vertical comme une colonne, avec des couleurs plutôt roses et rouges. Et il y a une vue de la cour intérieure d'un bâtiment, d'un édifice où la vue est prise de très haut jusqu'en bas. On peut voir tous les étages. C'est un dessin très occidental. Et cela a une signification personnelle, une référence à soi-même qu'elle me confirme dans le rêve. Mais je n'arrive pas à me souvenir. Ensuite, je rentre dans une chambre pour me changer. Je ferme la porte tout en regardant par la fenêtre vers l'extérieur. Pour me rassurer que je ne suis pas aperçue par quelqu'un d'autre. Quand tout à coup, il y a mes collègues de voyage qui me surprennent. Ce que je me souviens surtout, c'est la qualité de relation qu'on a entre nous. On est envahis de respect, d'amour, mais surtout très tendre.